J'ai jamais attendu de voir que les autres pouvaient pour faire à mon tour. Que dans ce monde de haine, il y avait quand même une place pour l'amour. Un cœur n'oublie pas quelqu'un qui l'a aimé, la mémoire si. Et j'espère qu'avec le temps, la douleur s'adoucisse. Ne traite pas la sœur des autres comme t'aimerais pas qu'on traite la tienne. Tu salis une fille dans une cave, tu te salis aussi toi-même. Si chacun s'aidait autour de soi-même, au fil du temps on serait rejoint. Je rappe pour les mecs qu'on cherche, moi tout plaît. Ils savent qu'on rappe pour eux, même sans dédicace. Ce qui veut dire que nos cœurs battent toujours à la même place. Le temps c'est de l'argent et des SNS à gagner. J'aime le rap et l'heure du jugement dernier. C'est pas ce qui va m'épargner. Parce que voter c'est exister, laisser voter les immigrés. Rappelle aux tiens qui on est. Crois-tu qu'on est là pour rien? Dans nos textes, on parle d'amour, de haine, de joie, de peine. Et quand ta frère tombe, c'est les parents aussi qui purgent la lourde peine. Je fais pleurer le stylo dans ce monde où j'ai papier. Pour plus de réalisme, les neurones cheatés devant le papier. On n'écrit pas un texte en une journée ou deux, mais ça prend toute une vie. Quand j'écoute la radio, trop de rappeurs l'oublient. Mes frères l'oublient et pensent plus à vous distraire. J'arriverai pas de maillot à votre chaîne toute ma vie. Si les mentalités sont aussi froides que le climat, quand est-ce que le jour où dire je t'aime ne sera plus un exploit? L'exploit, on en est capable, parti du bas. On monte les échelons sans péter les plombs. Courage de nos parents, je trouve ça respectable. Au bout du compte, je parle de tout. Et rien, mais surtout pas de rien du tout. Dans cet album, retiens bien. Au bout du compte, je parle de tout. De rien, mais surtout pas de rien du tout. Dans cet album, retiens bien. Pleurer la plume, plus de joie sur toute amertume. L'amertume, on laisse tomber les cœurs, plutôt que la thune. Change d'univers, regarde de l'autre côté de la thune. Celle et Aïs, pleurer la plume. Pleurer la plume, plus de joie sur toute amertume. On laisse tomber les cœurs, plutôt que la thune. Change d'univers, regarde de l'autre côté de la thune. J'écris des choses tristes, trop tristes. Autour de moi c'est le bordel. Et je reste le même, rebeu en France, français au bled. Étranger partout sauf dans le cœur de ceux qui m'aiment. Avec qui je traîne, toujours les mêmes. Ceux qui sont posés, avec du romambré ou du damoiseau, 8-10 ou des spirados. La haye, et quand ça va pas du vieux popo. Ceux qui baissent les bras c'est pour eux ce morceau. La vie, yeah, c'est pas de quartier, yeah, mais faut pas, yeah, laisser les bras loin d'être. Ne plus à plein, l'espoir doit pas s'éteindre. Dis-toi bien que la vie, yeah, c'est pas de quartier, mais faut pas, yeah, laisser les bras loin d'être. Ne plus à plein, l'espoir doit pas s'éteindre. Et pas leur dire que la vie, yeah, c'est pas de quartier, mais faut pas, yeah, laisser les bras, même si ton cœur se glace, espérons que ça passe. Mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? La vie est belle comme un rêve. Ça serait mentir comme dire qu'il n'y a pas d'extase dans les rêves. Tu le sais, le respect on demande, c'est pas pour ça qu'on l'applique. On voudrait du changement mais c'est pas pour autant qu'on s'implique. Dans la cité les effectifs de flics multipliés. Un mec sort de prison pendant qu'un autre se fait incarcérer. La belle vie ne revient pas aux plus méritants. Car on serait riche si la sueur de nos parents changeait en argent. L'argent ça va, ça vient et quand ça vient ça va. Mais manque de peau c'est pas souvent le cas lorsqu'arrive la fin du mois. C'est tendu comme les relations professeur-élève. Y'a moins de sourires et plus de joie entre les lèvres. Drôle d'époque, on trouve la mort en faisant l'amour. Que des mensonges dans leurs discours, aucun avenir en bas des tours. Tu sais, j'essaie de rapper sans trop de défauts. Mais parfois j'aimerais que ce que je dis soit faux. C'est Loan pour Raïs, Deris, RUD, Steru, 6-9 mon petit ref. La vie, yeah, c'est pas de quartier mais faut pas, yeah, laisser les bras loin d'être. Ne plus à plein, l'espoir doit pas s'éteindre. Tu sais que la vie, yeah, c'est pas de quartier mais faut pas, yeah, laisser les bras, même si ton cœur se glace, espérons que ça passe. Et y'a cet enfant perdu dans une rue de chez moi qui voit des jouets à la télévision pour Noël qu'il n'aura pas. Et son père perdu dans le coin d'un bistrot qui aurait bien voulu lui offrir. Mes pères toujours au loto. Puis nous défonce dans le hall, recréant un univers dans lequel on garde le contrôle. Et moi je reste le même rebelle en France, France au bled. Étranger partout sauf dans le cœur de ceux qui m'aiment. Loin d'être parfait, des erreurs tout le monde en fait. T'es vraiment con si tu penses que de l'avouer ce sera baisser avec la rage au ventre. On fait parfois des erreurs avec l'argent en tête. On fait parfois des horreurs et les larmes coulent alors. La tristesse est toujours à l'heure, à vive allure. Le malheur passe et il ne reste que des pierres et des fleurs. Tout et rien, ici bas, on perd la raison. Et les points se ferment vers en même temps que les discussions. Et puis la vie, yeah, c'est pas de quartier mais faut pas, yeah, laisser les bras loin d'être. Ne plus à plein, l'espoir doit pas s'éteindre. Mais n'oublie pas que la vie, yeah, c'est pas de quartier mais faut pas, yeah, laisser les bras, même si ton cœur se glace, espérons que ça passe. Je voudrais pas perdre ma vie bêtement. Check et faisons gaffe à nos comportements. Si c'est risqué, c'est ce qu'RUD disait. En effet c'est super rude, boy c'est rude. Tu peux perdre la vie en bas de chez toi ou très loin de chez toi. Ou par exemple par une tasse qui t'aura rien dit sur sa maladie. La vie c'est hard, mais faut que je la garde. Très haut me regarde, j'ai même pas encore commencé ce que j'avais à faire. M'assurer une paisible éternité. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Sans rien dans les poches, que veux-tu donner? Exact, rien au système, mais rien ce que t'aimes. La vie est un grand thème, sur nos vies je pourrais t'écrire plus de 3 couplets. Mais ce qui reviendra tout le temps, c'est cette haine et cette grande tristesse. Ici, on est sur une putain d'autoroute, y'a pas de limitation de vitesse. Donc, à chacun, bonne chance, bonne route. Et j'insiste à faire penser les foules au lieu de les faire danser. Je suis loin d'être un rappeur sur tes semelles compensées. Je vais arriver au rang des meilleurs car je suis un spinachien qui a pas à la fin. C'est pour les miens, pour les tiens et pour les chers. Retiens bien qu'on a qu'une vie et qu'une mort. Chacun son propre sort. Sors, dors et vois comment c'est hardcore. La vie encore à corps, encore un jour qui passe à rien faire. Faire pleurer mon père et ma mère me rend pas fier, tu le sais. Plus rien de mes potes quand je regarde le monde. Plus je grandis et plus je me dis putain comment je l'ai maudit. Tout est permis et dire que je participe à ce merdier. O-R-G-E-M-O-N-T. Le monde se divise à notre époque, mais je prends le risque que la couleur de la paix sera celle d'un métis. La vie, yeah, c'est pas de quartier, mais faut pas, yeah, laisser les bras loin d'être. Ne plus à plein, l'espoir doit pas s'éteindre. Mais va leur dire que la vie, yeah, c'est pas de quartier, mais faut pas, yeah, laisser les bras, même si ton cœur se glace, espérons que ça passe. La vie, yeah, c'est pas de quartier, mais faut pas, yeah. Célébrale l'endette, plus à plein, l'espoir doit pas. jour Noël. J'ai pas de quartier, mais faut pas baisser les bras, même si cœur se glace, espérons que ça passe. Ainsi qu'à Sabrina et Stéphane. Enfin, on en oublie toujours, mais c'est que partir mise, comme on dit.